le cerveau de travers. Mais je connais Napoléon, son bel appart, les champignons. Pour sûr, on ne s'ennuie pas, y'a toujours quelqu'un par là. On refait le monde 8 ou 10 fois, toutes les meilleures. Ça va de soi, Batman est mon ami, le cousin de la mère Denise, qui a lâché sa panoplie pour devenir super mamie. Dans les méandres de ma folie, je vous le dis mon bon ami, j'ai l'araignée, les pattes en l'air, qui me chatouille la planisphère. Moi je peux faire mon paradis, je vous le dis mon bon ami, quand je vois le vôtre qui est tout pourri, un univers de folie. Les pieds en papier mouche, une petite voix au fond de la bouche, avec aussi dans le placard une petite pendule toujours en retard. Il faut que je vous dise, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai dit à la mère Noël que son mari n'existait pas. Par contre j'ai vu Jésus, un petit gars un peu joufflu. Il a fini par se faire dessus, les bras en croix, il bougeait plus. Dans les méandres de ma folie, je vous le dis mon bon ami, j'ai l'araignée, les pattes en l'air, qui me chatouille la planisphère. Moi je peux faire mon paradis, je vous le dis mon bon ami, quand je vois le vôtre qui est tout pourri, un univers de folie. J'ai l'araignée, les pattes en l'air, qui me chatouille la planisphère. Moi je peux faire mon paradis, je vous le dis mon bon ami, quand je vois le vôtre qui est tout pourri, un univers de folie. Zumba la zumba la zumba ba, zumba la zumba la zumba ba, zumba la zumba la zumba ba, olé olé au banjo, zumba la zumba la zumba ba. J'ai un pet de casque, les neurones qui collent, le petit vélo qui tourne pas haut, mais je ne suis pas fou. Chez moi y'a pas la guerre, mais pourtant y'a aussi des militaires. Regardez autour de vous ce que font tous ces gens-là, et vous verrez, c'est mieux chez moi. Dans les méandres de ma folie, je vous le dis mon bon ami, j'ai l'araignée, les pattes en l'air, qui me chatouille la planisphère. Moi je peux faire mon paradis, je vous le dis mon bon ami, quand je vois le vôtre qui est tout pourri, un univers de...